C'est une histoire qui aurait pu être imaginée par John le Carré. Tout y est, l'époque, celle de la guerre froide, le décor, celui d'Allemagne de l'après-guerre, les personnages enfin, ceux-là même qui ont inspiré l'écrivain britannique, à commencer par Carla, le machiavélique chef des services de renseignement de l'Est, en réalité Marcus Wolf. L'homme sans visage, comme on l'a longtemps appelé, et qui coule aujourd'hui des jours tranquilles dans l'Allemagne réunifiée. Alors de quoi s'agit-il ? De l'affaire Guillaume, ou de l'affaire Brandt, comme on voudra. Car la principale conséquence de la révélation de cette énorme histoire d'espionnage a été la démission du chancelier allemand Willy Brandt en mai 1974. Mais y a-t-il eu complot ? Et si oui, qui avait intérêt à obtenir le départ de Brandt, prix Nobel de la paix en 1971 et pionnier de la détente avec l'Est ? Une partie de la vérité se trouve-t-elle dans le passé de cet homme d'État qui a été l'un des rares Allemands à fuir son pays pour mieux lutter contre le nazisme ? Et enfin, cette affaire n'était-elle que la partie émergée d'une opération plus vaste visant à pénétrer les principales structures de l'Allemagne fédérale ? Autant de questions qui aujourd'hui encore demeurent sans réponse. Monsieur X, dans ce nouvel entretien, se propose d'éclaircir cette affaire qui, malgré l'ouverture partielle des archives de la Stasi et du KGB, garde ses mystères. Une plongée dans le monde glauque de la guerre des espions. Vous connaissez les grandes lignes de cette affaire, enfin telle en tout cas qu'elle a été relatée par les journaux. À peu près, oui. Enfin, on a découvert qu'un proche du chancelier Brandt était un espion de l'Est. C'est ça. Ouais. L'un de ses conseillers, l'homme qui gérait son agenda, un certain Gunther Guillaume, arrêté au printemps 1974. Brandt, vous le savez, en a tiré immédiatement les leçons. Et affirmant haut et fort qu'il désirait assumer toutes ses responsabilités, il a démissionné. Oui, il a laissé sa place le chancelier à Helmut Schmidt. Qui était jusque-là son ministre des Finances et l'un des principaux dirigeants du SPD, le Parti Socialiste Allemand. Mais c'était également son challenger au sein du parti. C'est juste. Mais je vous le fais remarquer tout de suite, Brandt demeura toutefois le président du SPD. Vous dire que c'est pas Schmidt qui l'a poussé dehors en utilisant cette affaire. C'est certain. D'ailleurs, certains dirigeants socialistes ont essayé de dissuader Willy Brandt de démissionner. Car rien, sauf un sens aigu de l'honneur, ne l'obligeait à quitter le gouvernement. D'autant qu'il venait tout juste d'être triomphalement réélu. Oh, mais il y avait peut-être des raisons personnelles pour se décider de partir. C'est vrai qu'il semblait là, mais il ne faut pas oublier que le chancelier allemand était alors une des personnalités européennes les plus en vue. Il jouissait d'un grand prestige. C'était le premier dirigeant allemand à s'être rendu en Israël. Le premier aussi qui avait osé s'agenouiller devant le mémorial du ghetto de Varsovie. Ça, je me souviens. Ouais. Des gestes forts qui lui avaient valu l'admiration du monde. Et puis il y avait aussi sa politique de rapprochement avec l'Est. L'Ots politique, oui, nous en reparlerons. Alors pour toutes ces raisons, sa démission a provoqué un choc considérable, et pas seulement en Allemagne. Mais il y avait encore plus grave pour le camp occidental. Cette affaire révélait que les services secrets de l'Est avaient réussi à pénétrer l'État fédéral au plus haut niveau. Or, la RFA était une pièce essentielle dans le dispositif de l'OTAN. À cause de sa proximité géographique avec les pays de l'Est. Bien entendu. À vrai dire, ce n'était pas la première fois qu'on mettait en lumière l'importance de cette pénétration. En 1968, donc seulement quelques années avant l'affaire Guillaume, un agent de l'Est, un nommé Runge, avait fait défection. Et tout de suite après, on avait observé une étrange épidémie de suicides. Des vrais suicides ? Apparemment. C'est d'abord Horst Wendland, le numéro 2 du BND, le service de renseignement, qui se donne la mort. Le même jour, le contre-amiral Hermann Lütke se tue d'un coup de revolver. Il avait occupé de hautes fonctions au QG de l'OTAN. Puis, peu de temps après, un haut fonctionnaire du ministère de l'économie, un certain Schenk, se pend. Le lendemain, une fonctionnaire du bureau de presse fédéral, Edeltrau Grapentin, avale des somnifères. Ça fait beaucoup, hein. Ce n'est pas fini. Trois jours plus tard, un officier supérieur de l'état-major, Grimm, se suicide à son tour. Suivi encore, trois jours plus tard, par un haut fonctionnaire du ministère de la Défense, Gerhard Böhm. Étrange série, vous en conviendrez. Et qu'en concluez-vous alors ? Ces hommes et cette femme étaient vraisemblablement des agents et ils ont sans doute craint d'être dénoncés par Runge. À moins qu'ils n'aient été poussés au suicide. Hein. Invités à en finir pour éviter le scandale ? On peut pas l'exclure, mais officiellement, on a affirmé qu'ils avaient tous été victimes de dépression nerveuse. Oui, dépression très contagieuse. Très contagieuse, vous l'avez dit. Et pour les observateurs sérieux, c'était, si vous me pardonnez cette expression, une explication bidon. Mais si on remonte encore un peu plus loin, on s'aperçoit que les services secrets allemands étaient infiltrés de longue date. Avez-vous déjà entendu parler de l'affaire Felf ? Ça ne dit rien. Felf dirigeait le bureau du contre-espionnage dirigé contre l'URSS au sein du BND, l'organisation du général Gehlen. C'est-à-dire le service de renseignement allemand. Oui. Et cet homme occupait donc un poste très sensible. Évidemment. Orsfelf, démasqué au début des années 60, était en réalité une taupe, un agent du KGB. Il a provoqué des dégâts considérables. Galen lui-même a reconnu que Felf était à l'origine de l'arrestation d'une centaine de ses agents dans les pays de l'Est. Ouais. Vous semblez me dire que l'Allemagne de l'Ouest, alors, pullulait d'espions. Ah, c'était presque obligé. Et pour de nombreuses raisons. D'abord, il y avait l'existence de l'Allemagne de l'Est. Oui, il faut rappeler que tout citoyen des RDA qui passait à l'Ouest acquérait presque automatiquement la nationalité allemande. Oui, et depuis la fin de la guerre et avant la construction du mur. Ils ont été des dizaines de milliers à être passés à l'Ouest. Peut-être même des centaines de milliers. Parmi eux, il y avait des gens qui désiraient sincèrement fuir un régime dictatorial et honni, mais d'autres étaient envoyés en RFA par le HVA, le service secret de la RDA, dirigé par le légendaire Marcus Wolf. Ah oui, ça, le Carla de John le Carré. Lui-même. Encore que le Carré, qui ne le connaissait pas personnellement, a fait œuvre d'imagination. Bah, heureusement. Hein. Oui. Et à l'Ouest, lorsque pour la première fois on a vu une photo de lui dans les années 70, on a découvert un personnage qui ne ressemblait pas au ténébreux Carla qu'on imaginait. Oui, le Carré, enfin, si je me souviens bien, le décrit comme un petit homme aux cheveux gris, aux yeux bruns. Hein. Un jour, vous m'avez dit que le vrai ressemblait plutôt à Paul Newman. Tout à fait juste. Mais revenons à ce que je vous disais. Parmi tous ces exilés est-allemands, Wolf a glissé des milliers d'agents. Des femmes et des hommes qui se sont d'autant plus facilement intégrés qu'ils n'avaient pas de problème de langue. Oui, mais quand vous dites des milliers d'agents, vous n'exagérez pas un peu, non? Absolument pas. Certains sont longtemps restés des agents dormants, d'autres n'ont même jamais été réveillés, et beaucoup n'ont encore jamais été découverts. Aujourd'hui encore, hein? Oui, bien sûr. Ouais. Et à votre avis, ils le seront un jour? Si les archives parlent, peut-être. Mais beaucoup de documents ont disparu. D'autres sont détenus par la CIA. La CIA, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? C'est un point très étrange. Il semble que, profitant de la confusion qui a suivi la chute du mur, des hommes de la centrale américaine aient réussi à s'emparer d'archives est-allemandes très précieuses. Des archives que la CIA a toujours refusé de communiquer aux autorités de l'Allemagne réunifiée. Et pourquoi? Il n'est jamais inutile de détenir ce genre de documents très confidentiels. Pour les utiliser à son profit. Et pour faire de ces anciens agents de l'Est des correspondants dévoués. Oui, chantage. Naturellement. Et le chantage, c'est aussi la deuxième raison qui explique pourquoi Wolf a pu envoyer et utiliser tant d'espions à RFA. Il a exploité sans vergogne le passé de ses femmes et de ses hommes. Le passé nazi, j'imagine. En priorité, c'est évident. Et si les intéressés refusaient d'obéir, on menaçait de rendre public leurs états de service dans le parti nazi ou l'armée du Troisième Reich. Ouais. Ça veut dire que d'anciens nazis sont devenus des agents communistes. Ben, ça va pas trop vous étonner, non? Non, enfin... Et les services de l'Est n'en sont pas restés là. Ils ont aussi exploité au mieux les renseignements qu'ils possédaient sur des gens installés en Allemagne fédérale et qui avaient autrefois collaboré avec eux. Des hommes du Comintern, par exemple, ou simplement d'anciens militants communistes. En les faisant chanter, eux aussi? Oui. Dans l'Allemagne de l'après-guerre, l'Allemagne fédérale, j'entends, il n'était pas recommandé d'avoir fricoté autrefois avec les communistes. C'était même quelquefois plus mal vu que d'avoir appartenu au parti nazi. Le général Gehlen, dont nous parlions plus haut, avait lui-même entretenu des rapports très étroits avec les nazis. Ça ne l'a nullement empêché de devenir le chef des services de renseignement de la RFA. Oui. Pour vous, toutes ces raisons expliquent pourquoi l'Allemagne, dans ces années-là, était devenue une sorte de terre d'élection pour les espions de l'Est. La conséquence évidente, c'était qu'on entretenait en permanence un climat de soupçons. On était prompt à voir dans son voisin, son collègue de bureau, son chef, un homme qui travaillait pour l'autre côté, comme on disait. C'est-à-dire la RDA. Oui. Oui. Et les personnages les plus importants de la République fédérale n'étaient pas à l'abri. Et de qui voulez-vous parler, alors? De Willy Brandt, par exemple. Willy Brandt, c'est vrai, a fait l'objet de nombreux soupçons. Nous allons y revenir tout de suite avec Monsieur X. Auparavant, revenons sur l'information qu'il me donnait à propos des archives est-allemandes qui auraient été subtilisées par des agents de la CIA. Dans le journal La Croix du 10 février 1999, Michel Verrier accrédite cette thèse tout en reconnaissant ne pas savoir comment les Américains ont pu mettre la main sur ce butin. Il écrit « Des centaines, voire des milliers de personnes tremblent en Allemagne de voir leur mission au service de l'ex-RDA révélée au grand jour. Les activités des espions de l'ex-RDA sont certes couverte aujourd'hui par la prescription, mais l'accusation de trahison peut toujours mener des citoyens de l'ex-Allemagne de l'Ouest qui renseignaient la RDA sur les bancs du tribunal. Officiellement, les services secrets américains auraient avancé cet argument pour justifier leur refus de rendre les documents en leur possession. Ils souhaiteraient d'abord mesurer toutes les conséquences juridiques que peuvent entraîner leur mise au clair, mais certains spécialistes estiment en fait que la CIA a déjà profité des renseignements en sa possession pour rendre visite aux anciens espions qui l'intéressaient et qui pourraient éventuellement travailler aujourd'hui à son service. De là viendrait le refus persistant des États-Unis de rendre les documents de la Stasi aux autorités fédérales et même de leur en fournir une simple copie. De quoi exactement a été soupçonné le chancelier allemand Willy Brandt ? De tout. C'est-à-dire ? Eh bien, pour simplifier, disons que certains l'ont accusé d'être un homme de la CIA, tandis que d'autres ont prétendu que c'était un agent du KGB. Et vous allez me dire qu'on ne prête qu'aux riches. Ouais, peut-être, enfin, ça mérite quand même quelques explications. Volontiers. Et pour bien comprendre, il faut s'intéresser de très près à la biographie de Brandt. Brandt qui ne s'appelait pas Brandt, d'ailleurs. C'est un pseudonyme. Son nom de guerre, si vous voulez. Et comme beaucoup de résistants chez nous, il a gardé ce nom après la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il est revenu dans son pays. Son vrai nom, alors ? Fram. Herbert Fram. Il est né à Lübeck, juste avant le début de la guerre de 14-18, dans un milieu très modeste, à la limite de la misère. Sa mère était vendeuse dans un magasin et son grand-père avait été ouvrier agricole dans un domaine appartenant à Junker. C'est-à-dire un aristocrate et grand propriétaire terrien. C'est cela, oui. Et la façon dont ce propriétaire traitait son personnel avait fait du grand-père un révolté et un militant socialiste. Et le père ? Le jeune Herbert ne l'a jamais connu. Peut-être même n'a-t-il jamais su qui il était. Sa mère ne s'est pas mariée avec celui qui lui avait fait cet enfant. Un fille-mère. Hein, oui. Ouais. Et vous imaginez comment on pouvait vivre ça dans une société aussi corsetée que l'était celle de cette Allemagne du début du XXe siècle. Et d'ailleurs, le péché de la mère, si je puis dire, a rejailli sur le fils. Lorsque Brandt est devenu un dirigeant politique de premier plan, il s'est trouvé des adversaires pour exhumer cette affaire et mettre en lumière le passé de sa mère. Au fond d'une fille-mère, ça méritait effectivement d'être souligné. L'Allemagne était encore très bigote, mais enfin passons. L'influence du grand-père, la médiocre condition sociale de la mère, tout cela fait que le jeune homme acquiert rapidement une conscience politique. À gauche, naturellement. Bien sûr. Très tôt, il adhère aux jeunesses socialistes. Et ses études ? Brandt, appelons-le comme cela, c'est plus simple, Brandt donc est un brillant élève. Ça lui vaut d'obtenir une bourse pour aller étudier au lycée. Et il obtiendra son bac. Mais c'est la politique qui occupe déjà l'essentiel de sa vie. Et il a à peine 17 ans lorsqu'il rejoint le SPD, le Parti Socialiste. Puis jugeant le parti un peu trop complaisant et surtout excessivement légaliste, il rejoindra un groupe dissident. Mais toujours socialiste. Oui, Brandt se méfie des communistes qu'il juge trop inféodés à Staline. Et c'est alors la montée irrésistible de Hitler. Oui, les nazis arrivent au pouvoir au début de 1933 et tout de suite, les militants de gauche sont traqués. Willy Brandt passe dans la clandestinité. Et c'est alors là qu'il prend son pseudonyme. Exactement. Et très peu de temps après la prise du pouvoir par Hitler, il s'embarque pour la Norvège où il est chargé de créer un bureau de liaison du Parti Socialiste. Sa vie vient de basculer. Parce qu'il ne reverra pas son pays avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à l'exception d'un voyage clandestin en 1936 pour prendre des contacts avec la résistance intérieure. Et vous m'avez dit, alors, un bureau de liaison, c'est ça, ce qu'il fait en Norvège ? Oui, il reprend ses études, mais surtout il milite et organise la résistance au nazisme parmi les groupes d'immigrés allemands. Déchu de sa nationalité allemande, Brandt devient alors un citoyen norvégien et écrit dans de nombreux journaux. Et c'est en tant que journaliste qu'il se rend en Espagne en pleine guerre civile. Un vrai journaliste ? Non. Willy Brandt est d'abord une sorte de commis-voyageur de la résistance anti-nazie. Il voyage beaucoup, et notamment en Espagne, où il prend contact avec les Allemands qui combattent au sein des brigades internationales. Il éprouve de la sympathie pour le POUM et connaît ses premières vraies difficultés ouais. avec les communistes. Oui, parce que ceux-ci considèrent que le POUM, ce parti d'extrême-gauche, est un nid de trotskistes et de gauchistes. Oui, et les staliniens, comme vous le savez, liquideront nombre d'entre eux. Willy Brandt devient donc une cible. Et comme Moscou ne fait pas dans la dentelle, le dirigeant socialiste est accusé tantôt d'être un agent de la Gestapo, tantôt d'être un espion de Franco. On insinuera même qu'il travaille à l'infiltration du POUM pour le compte de la Sûreté nationale française. Et tout ça, enfin, j'imagine, est naturellement absurde. Parfaitement absurde. Mais c'est le style de l'époque, enfin, toutefois, avançons. En 1940, Willy Brandt est surpris par l'invasion de la Norvège par les troupes de Hitler. Et il risque gros si les Allemands découvrent sa véritable identité. Alors, comment s'en sort-il ? Fait prisonnier, il se fait passer pour un officier norvégien. C'est très important parce que, plus tard, ses adversaires politiques l'accuseront d'avoir combattu ses propres compatriotes. Combattu en armes, vous voulez dire ? Oui. Ouais. Et la vérité, alors ? Je n'en sais rien. Et si Brandt a vraiment combattu, c'était contre les nazis. Et je ne vois pas ce qu'on aurait pu lui reprocher. Enfin, tout était bon pour l'abattre. Alors, il est donc prisonnier de guerre, c'est oui, ça hein. Il va réussir à se faire libérer et à passer en Suède. Là, il doit être excessivement prudent. La Suède est un pays neutre et elle surveille de très près les activités des opposants allemands. Certains seront même internés dans des camps. Oui, mais Brandt, lui, est citoyen norvégien. Et c'est ce qui lui permet de poursuivre ses activités de résistance. Des activités essentiellement politiques. Pas seulement. D'abord parce que Willy Brandt continue à s'occuper du journalisme. Et ensuite parce qu'il fait aussi du renseignement. Grâce au réseau de résistants qu'il a constitué en Allemagne, en Norvège ou au Danemark, le dirigeant socialiste centralise les informations qu'il transmet à Londres. Et bien sûr, après l'invasion de l'URSS par Hitler, il va aussi communiquer ses renseignements soviétiques. Malgré ses réticences vis-à-vis de Moscou. Brandt, non sans raison, pense que seule l'efficacité commande. Et l'URSS fait désormais partie du camp allié contre le nazisme. Lui fournir des renseignements, c'est donc contribuer à la défaite de Hitler. D'accord, enfin, comment communique-t-il avec les soviétiques? Le plus simplement du monde. Il a pris contact avec l'ambassade soviétique à Stockholm. Et j'imagine que là, il a été forcément mis en contact avec des représentants des services secrets. Naturellement. Des agents du NKVD qui se trouvaient dans la capitale suédoise sous couverture diplomatique. Ouais. Le NKVD, rappelons-nous, qui deviendra plus tard le KGB. Hein. Après la guerre, oui. Alors, on peut dire que Brandt est devenu en quelque sorte un agent des soviétiques? Absolument pas. Il faut m'expliquer, alors. C'est pas parce qu'il transmet des informations au NKVD qu'il a rompu ses relations avec les autres alliés. Il joue donc sur les deux tableaux. Mais non. Pour lui, il y a les alliés, un point, c'est tout. Enfin, il n'empêche, vous êtes bien placé pour le savoir, que lorsqu'on commence à avoir des contacts réguliers avec les services soviétiques, on risque d'être compromis et d'être entraîné bien au-delà de ce qu'on envisageait au départ. Vous avez raison. Et tenez, je vais abonder provisoirement dans votre sens. Provisoirement. Hein. Ouais. Il est certain que le NKVD a essayé de piéger Brandt. Et donc de le recruter. Bien entendu. Les soviétiques ont même essayé de lui donner de l'argent. Et il a accepté? Au moins une fois, oui. Et il a commis là une véritable erreur. Il a consenti à signer un reçu. Preuve écrite. Oui. Et vous imaginez bien que les agents du NKVD ont aussitôt envoyé ce précieux document à Moscou. Pour s'en servir plus tard. Évidemment. Mais comment justifier cette erreur? Willy Brandt était un résistant. Et son organisation avait besoin d'argent pour fonctionner. Et pour lui, l'argent n'avait pas d'odeur. À partir du moment où cet argent contribuait à lutter contre Hitler, effectivement. Mais après la guerre, Brandt a failli payer très cher cette imprudence. Quels ont été exactement les rapports de Willy Brandt avec les soviétiques pendant la guerre? Je me suis plongé dans le gros livre de Christopher Andrew sur le KGB, un livre écrit à partir des carnets du dissident Mitrokhine. Voici ce que j'ai trouvé. Après l'invasion par Hitler de l'Union soviétique en juin 1941, Brandt modifia son attitude envers Moscou. La résidence du NKVD à Stockholm, où il s'était réfugié lorsque les Allemands avaient occupé la Norvège, annonça une scission parmi les, j'ouvre les guillemets, trotskistes norvégiens. Certains, dont Brandt, étaient désormais prêts à collaborer avec l'Union soviétique pour la défaite d'Hitler. À l'automne de 1941, Okunev, alias Oleg, officier d'opération à la résidence de Stockholm, alla voir Brandt et, ne le trouvant pas chez lui, lui laissa sa carte de visite. Le lendemain soir, Brandt se rendit à l'ambassade soviétique et s'entretint pendant 3 heures avec Okunev et le résident du NKVD, Mikhail Sergeyevitch Vetrov. Il expliqua qu'il dirigeait une agence de presse comptant parmi ses clients des médias américains, qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour hâter la destruction du nazisme et qu'il serait ravi d'envoyer des articles de, j'ouvre à nouveau les guillemets, camarades soviétiques aux États-Unis qui n'étaient pas encore entrés en guerre, si nécessaire, en dissimulant ses sources. Andrew ajoute qu'il s'ensuivit des rencontres clandestines tous les 15 jours. Son livre, Le KGB contre l'Ouest, a été publié en France chez Fayard. Je voudrais revenir sur la nature des renseignements que Willy Brandt transmettait aux services alliés. De quoi s'agissait-il exactement? Essentiellement de renseignements militaires. Par exemple, sur la position des forces nazies en Norvège ou encore sur les mouvements de la flotte allemande dans la mer du Nord ou la mer Baltique. Mais il était aussi bien placé à Stockholm pour suivre les efforts diplomatiques du Troisième Reich visant à persuader les dirigeants suédois de renoncer à leur sacro-sainte neutralité. Et à votre avis, enfin, au moins d'après ce que vous pouvez savoir, ces activités ont-elles été importantes? Incontestablement. Willy Brandt a été un authentique résistant anti-nazi. Et certains pensent que c'est à partir des renseignements qu'il a fournis que la Royal Air Force a pu, avec succès, bombarder dans un port norvégien le fameux cuirassé de Tirpitz. Bien, alors, que se passe-t-il pour lui lorsque vient la fin de la guerre? Ben, il revient très vite chez lui en Allemagne, mais pas en tant que citoyen allemand. Oui, parce qu'il est toujours norvégien. Toujours, ça, oui. Et c'est en tant que journaliste scandinave qu'il effectue ce retour. Il couvre en particulier le procès de Nuremberg pour la presse norvégienne, mais assez vite, en 1947, je crois, il va recouvrer sa nationalité allemande. Il le fait en effet puisqu'il va se lancer dans la politique. Mais toujours du même côté, j'imagine. Bien sûr, Brandt est demeuré socialiste. Mais c'est sûr, ce n'est plus le socialiste qui a quitté l'Allemagne en 1933. Ah bon, il a changé. En Suède, il a découvert la social-démocratie. Et il a abandonné le marxisme pur et dur de sa jeunesse. Il faut d'ailleurs noter que l'une de ses premières actions politiques est de faire échec à la tentative des communistes de l'Est, qui voulaient devenir les chefs de file de la gauche allemande. Il est donc toujours résolument anti-communiste. Oui, cela réduit à néant la thèse de ceux qui voulaient en faire un agent du KGB. Attends, on a souvent dit que généralement les agents soviétiques exprimaient volontiers des opinions anti-communistes. Pour mieux se dissimuler, c'est vrai. Mais Brandt est un homme politique de grande envergure. Et toute sa vie, malgré sa politique de rapprochement avec l'Est, il demeura inflexible dans son hostilité idéologique au système communiste. On le verra bien au moment de la crise de Berlin. Bon, alors admettons, Brandt n'est donc pas un sous-marin de Moscou. Et très rapidement, il creuse son trou dans l'appareil du SPD, le Parti Socialiste Allemand. C'est un arriviste ? Je dirais pas ça. Il le montrera en 1974 en choisissant de démissionner alors qu'il aurait pu rester au pouvoir. Mais un homme ambitieux, oui. Et talentueux avec ça. Willy Brandt est intelligent. Il est bel homme. Il a d'ailleurs un certain succès auprès des femmes. Un peu trop même, mais ça lui vaudra quelques déboires. On le comparera à Kennedy, si vous voyez ce que je veux dire. Et pas seulement à cause de son charisme et de son éloquence. Bon, bref. Je vous disais donc que Brandt a beaucoup d'atouts pour lui. Et puis dans une Allemagne où rôde encore pas mal de fantômes de l'époque nazie, lui, il a un passé de résistance. Ouais, même si on le reprochera, mais avez-vous dit d'avoir combattu ses compatriotes pendant la guerre. Oui, c'est une partie de la droite qui lui reprochera. Une droite où on trouve nombre d'anciens sectateurs du régime hitlérien qui sont passés à travers les mailles du filet. Ou qui ont été hâtivement dénazifiés, comme on disait alors. Enfin, il faut dire que Willy Brandt incarnait un nouveau style de socialiste. Oui, social-démocrate. Oui, c'est-à-dire un homme qui avait rompu avec le sectarisme et l'idéologisme. Pardonnez-moi ce néologisme. Oui. D'autrefois. Ouais. Un socialisme moderne, quoi. Voilà. Un politicien qui tranchait avec la raideur et le côté petit bourgeois de la classe politique traditionnelle allemande. Et Brandt, c'était clair, était promis à un brillant avenir. Et il l'a prouvé en devenant, dès 1955, président du Parlement berlinois. Et maire de Berlin. Tout de suite après. Et c'est alors que les soviétiques se sont souvenus de lui. Mais parce qu'il occupait maintenant de hautes fonctions. Naturellement, et un poste clé. Berlin, enclave occidentale au milieu de la RDA, était forcément l'objet de toutes les attentions de la part de Moscou. Et depuis la fin de la guerre, l'ancienne capitale du Reich avait déjà subi bien des épreuves. Vous dites que les soviétiques se souviennent de lui lorsqu'il devient maire de Berlin, hein. Mais ils n'ont pas essayé de prendre contact avec lui auparavant ? Non, à ma connaissance, non. Alors comment procède-t-il ? Il faut d'abord savoir, et c'est un point qui a donné lieu à maintes supputations tendancieuses, que le KGB avait attribué un nom de code à Willy Brandt, Poliarnik, ce qui veut dire polaire. Sans doute à cause de son séjour en Scandinavie. Vraisemblablement. Ouais. Et d'habitude, attendez, c'est à un agent qu'on attribue un nom de code. Généralement, oui. Alors se repose la question que nous avons traitée plus haut. Vous avez raison. Et on peut se demander par quel canal, à l'ouest, on a appris que le nom de code Poliarnik avait été attribué à Brandt. Ouais, vous pensez qu'il y a peut-être une fuite volontaire, là ? Ça ne m'étonnerait pas autre mesure. Mais quand exactement ce nom de code a-t-il été donné à Brandt ? Certainement pendant les guerres. Ouais, à l'époque donc où il rencontrait des agents du NKVD à Stockholm. Oui, je le pense. Et quand il est élu maire de Berlin, les soviétiques se rappellent donc au bon souvenir de Poliarnik. Au nom de ce cher vieux passé. Mais Brandt, une première fois, refuse toute prise de contact. Pourtant, il sait que le KGB doit être en possession de ce fameux reçu qu'il a eu l'imprudence de signer. C'est exact. Ça signifie donc que Brandt n'a nullement peur de faire l'objet d'un chantage quelconque sur ses activités pendant la guerre. Et pour vous, alors, c'est une nouvelle preuve du fait qu'il n'était pas un agent ? Ça me semble évident. Mais vous avez dit qu'il est contacté une première fois. Il y aura donc d'autres tentatives. Oui, parce que Moscou ne se résoudra pas facilement à renoncer à pêcher ce gros poisson sans doute promis à un destin national. Mais n'allons pas trop vite. Hein. Les gens du KGB ont donc échoué. Et ils vont changer de tactique. Avec l'aide de la Stasi, la police secrète de la RDA, à laquelle appartient le HVA de Marcus Wolf, ils vont entreprendre une véritable campagne de calomnie contre Willy Brandt. Une campagne largement relayée par la droite allemande. Et de quoi l'accuse-t-on ? Après avoir vainement fait courir le bruit qu'il avait été un agent des services de renseignement américains pendant la guerre, on met en avant ses convictions crypto-communistes d'autrefois. Et on rappelle son engagement dans ce groupe marxiste qui avait fait sécession avec le SPD. Ouais. Mais si ce sont vraiment les services de renseignement de l'Est qui ont initié cette rumeur, c'est assez savoureux. Hein. N'est-ce pas ? En outre, bien entendu, on met en doute son patriotisme. N'a-t-il pas passé la guerre en exil alors que le peuple allemand souffrait ? Ouais, mais d'accord. Mais quel est l'objectif poursuivi ? Il s'agit de le déstabiliser, de le fragiliser. Afin de mieux le prendre ensuite dans les filets du KGB ? Oui, je le crois, oui. Mais est-ce qu'il a été vraiment déstabilisé par cette campagne de calomnie ? Vulnérabilisé, certainement. Or, ça tombait au plus mauvais moment pour lui, puisque son parti venait de le désigner comme candidat à la chancellerie contre le vieux Konrad Adenauer. Le résultat, c'est qu'il perdra cette première élection de 1961 et qu'il devra attendre 1969 pour devenir chancelier. 1961, c'est aussi l'année de la construction du mur de Berlin. Hein. Vous avez raison de le souligner, parce que c'est à cette occasion que Willy Brandt va vraiment se révéler et prendre même une stature internationale. En effet, Brandt se bat comme un beau diable contre l'édification du mur, fait appel à Kennedy et aux Occidentaux. Il compare même la construction du mur à l'occupation de la Rhénanie par Hitler. Ouais, mais rien n'y fera. Malheureusement, non. Toutefois, dans cette affaire, Brandt est apparu comme un adversaire irréductible de Moscou. Et au Kremlin, il apparaît urgent d'essayer à nouveau de le circonvenir. Ouais, le chantage, ce jour. Oui. Et ça se passe quand, ça? Fin 61 ou début 62, Moscou lui a envoyé un émissaire. Un homme du KGB. Naturellement, sans doute, un journaliste ou un diplomate. Et cet homme lui a laissé entendre que si Brandt renouait avec les excellentes relations qu'il avait entretenues pendant la guerre avec le NKVD, il serait possible d'entamer des négociations sérieuses avec Moscou sur le statut de Berlin. Ouais, bref, devenez notre espion et tout s'arrangera. Quoi, oui. Ça. J'imagine que Willy Brandt a refusé une nouvelle fois. C'est évident, et les soviétiques en sont restés provisoirement là. Oui, mais le chantage... L'homme du KGB a bien essayé de lui reparler du fameux reçu. Il bluffait. Je comprends pas. Vous avez bien dit que ce reçu existait bel et bien. Oui, mais il avait disparu du dossier de Polernic. Disparu, ça veut dire quoi? À la suite de la première tentative de chantage et de son échec, quelqu'un au KGB avait pris l'initiative de détruire ce document devenu inutile. C'est incroyable, non? Ça prouve surtout de façon irrémédiable que Brandt n'était pas un agent de Moscou. Dans les services secrets, quels qu'ils soient, on ne détruit jamais un document susceptible de tenir un agent. Alors, fin du chantage? Eh oui, pas fin de l'histoire, car les services de l'Est n'en avaient pas encore terminé avec Willy Brandt. L'affaire Guillaume va en être la parfaite illustration. Vous l'avez compris, dans la deuxième partie de cet entretien, nous parlerons donc de cette mystérieuse affaire Guillaume qui a révélé la véritable ampleur de la pénétration des services de l'Est en Allemagne fédérale.